Mais j'ai l'intention de t'amener avec moi. Oui, j'ai positivement compté sur toi, mon cher Dick, et je t'ai choisi, à l'exclusion de bien d'autres. Mon cher Samuel, dit le chasseur, ton projet est insensé. Pourquoi, s'il te plaît? Et les dangers, et les obstacles de toute nature? Les obstacles, répondit sérieusement Fergusson, sont inventés pour être vaincus. Quant aux dangers, qui peut se flatter de les fuir? Tout est danger dans la vie. Il peut être très dangereux de s'asseoir devant sa table ou de mettre son chapeau sur sa tête. Il faut d'ailleurs considérer ce qui doit arriver comme arrivé déjà et ne voir que le présent dans l'avenir, car l'avenir n'est qu'un présent un peu éloigné. Enfin, pourquoi ne pas prendre des routes ordinaires? Parce que jusqu'ici, toutes les tentatives ont échoué. Parce que ce qui peut être fait d'une façon doit être entrepris d'une autre. Enfin, parce que là où on ne peut passer au milieu, il faut passer à côté ou passer par-dessus. Par-dessus. J'ai pris mes précautions, de manière à ne pas craindre une chute de mon ballon. Et j'entends bien ne pas m'en séparer avant mon arrivée sur la côte occidentale d'Afrique. Avec lui, tout est possible. Et la côte africaine se déroule sous mes yeux dans le grand attelage du monde. Alors, tu iras de l'est à l'ouest. Parce que je compte me servir des vents alizés dont la direction est constante. Il a été convenu également que trois ou quatre navires iraient croiser sur la côte occidentale vers l'époque présumée de mon arrivée. Dans 3 mois au plus, je serai à Zanzibar, où je parerai le gonflement de mon ballon, et de là, nous nous élancerons. Nous? Fit Dick. Aurais-tu encore l'apparence d'une objection à me faire? Parle, ami Kennedy. Mais Kennedy était bien décidé à s'opposer par tous les moyens possibles au départ de son ami. Il fit donc mine d'être de son avis et se contenta d'observer. Quant à Samuel, il allait surveiller ses apprêts.